Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle capsule temporelle. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 20 juin 2024 et il y a 235 ans, 576 députés prêtèrent au fameux serment du jeu de paume. Allez, c'est parti! Afin de résoudre la grave crise financière que traverse son gouvernement, Louis XVI convoque au printemps 1789 les états généraux, c'est-à-dire la réunion des trois ordres, le clergé, la noblesse et le tiers-état. Les députés du tiers-état espèrent des réformes mais vont être rapidement déçus. Ils vont refuser de se soumettre au pouvoir royal. Refusant de siéger par ordre, ils s'allièrent avec quelques députés du clergé et de la noblesse et se constituent solennellement en Assemblée nationale le 17 juin 1789. Le roi tentera de s'opposer à cette assemblée en faisant fermer la salle des menus plaisirs, service en charge des plaisirs du roi, à Versailles où ils se réunissaient. Trouvant porte close le 20 juin, les députés se retirent dans une salle proche où l'on pratique le jeu de paume, ancêtre du tennis qui est un jeu de balle se jouant à main nue, gantée ou à raquette, et y prêtèrent le fameux serment du jeu de paume. Nous jurons de ne jamais nous séparer et de nous réunir partout où les circonstances l'exigeraient, jusqu'à ce que la constitution du royaume fût établie et affermie par des fondements solides. Construite en 1686, cette salle est une propriété privée. La famille royale et le roi surtout s'y rendaient afin de pratiquer le jeu de paume. Le 27 octobre 1793, un décret de la convention acquiert cette salle pour la nation. Elle connaîtra dès lors des fortunes diverses. Atelier du peintre d'Antoine Gengros en 1804, hospice militaire en 1815, atelier du peintre d'Oracle Vernette sous le règne de Louis-Philippe, ancien gymnase et entièrement restauré sous la Troisième République. Les travaux du bâtiment et le décor sont placés sous la direction de l'architecte Edmond Guillaume. Ils débutèrent en 1879. Il érigera un édicule dorique soutenu par deux colonnes de marbre provenant du bosquet des Dômes dans les jardins de Versailles, surmonté d'un coq en bronze réalisé par Auguste Quint. Il abrite la statue en marbre de Jean-Sylvain Bailly réalisée par René de Saint-Marceau. Autour de la salle, dans une frise de feuillage, sont peints les noms des signataires du serment. Sur le pignon intérieur nord, une toile de Luc-Olivier Merson datée de 1883 reprend le dessin du serment du jeu de paume exécuté par Jacques-Louis David en 1791 et aujourd'hui conservé au château de Versailles. Réalisée en quelques mois seulement par le peintre et aidé de 4 assistants, cette toile monumentale de 10 mètres sur 6 est une véritable prouesse technique. Le 20 juin 1833, le musée de la Révolution française est inauguré dans la salle du serment du jeu de paume. Autre événement qui s'est passé plus récemment, les footeux qui nous suivent se souviendront peut-être de la grève des Bleus à Naïsna en 2010 qui s'est produit un 20 juin. Pour vous remettre dans le contexte, nous sommes en Afrique du Sud où la France de Raymond Domenech s'apprête à disputer la Coupe du Monde. Mais cette équipe qui avait déjà fait scandale 7 mois avant pour sa qualification sur une main de Thierry Henry contre l'Irlande va encore faire parler d'elle. Leur premier match va les opposer au pays hôte, l'Afrique du Sud, où ils vont perdre sur le score de 2 buts à 1. Mais l'élément qui va mettre le feu aux poudres va survenir lors de la deuxième confrontation des Bleus contre le Mexique. À la mi-temps, les joueurs rentrent au vestiaire et une dispute éclaterait entre le coach de l'équipe de France Raymond Domenech et le joueur de Chelsea Nicolas Anelka, qui aurait dit à son coach « va te faire sale ». Selon le journal L'Équipe, le coach prendra la décision de sortir Anelka à la mi-temps et la France perdra son deuxième match 2-0. Le lendemain, les médias vont créer une polémique autour de cet événement survenu pendant la pause suite à cette dispute entre les deux hommes. La Fédération Française de Football va prendre la décision de renvoyer Anelka de l'équipe. Après cette décision de la FFF, les coéquipiers d'Anelka vont décider par solidarité de mener le 20 juin 2010 une grève. En effet, bien que cela soit totalement fou, même 14 ans après, les joueurs vont descendre signer des autographes aux supporters français qui étaient présents ce jour-là, avant de remonter dans leur bus et donner une lettre à leur coach qui dira par la suite à la presse et dira « L'incident qui s'est produit à la mi-temps du match France-Mexique, nous regrettons plus encore la divulgation d'un événement qui n'appartient qu'à notre groupe et qui reste inhérent à la vie d'une équipe de haut niveau. À la demande du groupe, le joueur mis en cause a engagé une tentative de dialogue, mais nous déplorons que sa démarche ait été volontairement ignorée. » De son côté, la Fédération française de football n'a aucun moment tenté de protéger le groupe. Elle a pris une décision sans consulter l'ensemble des joueurs et uniquement sur la base des faits rapportés par la presse. En conséquence, et pour marquer leur opposition à l'attitude adoptée par les plus hautes instances du football français, l'ensemble des joueurs a décidé de ne pas participer à la séance d'entraînement programmée aujourd'hui. Par respect pour le public qui devait assister à cette séance, nous avons décidé d'aller à la rencontre de ces supporters qui, par leur présence, nous apporte un soutien sans faille. Pour notre part, nous sommes conscients de nos responsabilités, celles de porter les couleurs de notre pays, mais également celles que nous avons à l'égard de nos supporters et de leurs cadres et éducateurs bénévoles et des innombrables enfants qui gardent les Bleus comme modèle. Pour ce qui nous concerne, nous n'oublions rien de nos devoirs et nous ferons tout individuellement, bien sûr, mais aussi dans un esprit collectif,